إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours numéro 70 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les explications de Cheikh Salih Al-Fawzan. Le chapitre qu'on va lire aujourd'hui, c'est le chapitre qui s'intitule Babun ma ja'a fi shatmi biz-zina. Babu ma ja'a fi shatmi biz-zina. C'est-à-dire le fait d'accuser quelqu'un de zina ou d'insulter quelqu'un en disant qu'il a fait le zina. Et ça ressemble beaucoup au chapitre qu'on a fait il y a quelques mois sur le sujet de Al-Qadful Muhsanat, c'est-à-dire de lancer des accusations contre les femmes chastes ou contre des hommes chastes d'adultère ou de fornication ou de sodomie ou des trucs comme ça. On a expliqué ça dans les chapitres précédents, puis on a expliqué que ça fait partie des grands péchés. Ce chapitre, ça ressemble un peu à ça, sauf que c'est pas un chapitre qui est très long. C'est un chapitre qui est résumé sur cette question, puisqu'on en a déjà parlé. Donc, le cheikh, il explique et il dit: Babun ma ja'a fi ash-shatm biz-zina an Abi Hurayra radiyallahu anhu marfu'an man qadhafa mamlukahu biz-zina yuqamu alayhi al-hadd yawm al-qiyamah illa an yakuna kama qal. Donc ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est selon Abi Huraira radiallahu anhu, il dit: celui qui accuse son esclave d'avoir fait le zina, eh bien on va appliquer une peine pour lui au jour de la résurrection, excepté si il était tel qu'il l'a dit, c'est-à-dire si c'était le cas. Le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il explique et il dit: من الأمور التي حرمها الله عرض المسلم عرض المسلم وأن لا يظن به إلا الخير فالله حرم عرض المسلم وماله ودمه والعرض هو ما يقبل المدح والذم وهو أعز عند المسلم من المال فإنه إن سرق أو ضاع ماله فهو يرجو أن يعوضه الله أما العرض فلا يعوض إن ضاع أو انتقص يقول الشاعر أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال أحتال للمال إن أودى فأجمعه وليت للعرض إن أودى بمحتالي. Donc il explique, le cheikh, que parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a rendues sacrées et qu'il a interdit, c'est l'atteinte à l'honneur et l'atteinte à l'honneur du musulman. Et il dit que on ne doit pas penser d'un musulman excepté du bien. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'honneur et il a rendu sacré, de même qu'il a rendu comme il a rendu sacré ses biens et son sang. Il dit la définition de l'honneur, qu'est-ce qu'on appelle l'honneur en français, c'est la traduction de al-ird, hein? Et al-ird, c'est ce qui peut être glorifié ou blâmé, et c'est la chose la plus précieuse est la plus chère pour le musulman. Et c'est plus cher pour lui et plus précieux pour lui que l'argent. Si on lui vole son argent, si on te vole ton argent, ou si tu perds ton argent, tu espères que Allah te remplace cet argent que tu as perdu. Tandis que si tu perds ton honneur, il n'y a rien qui peut te le remettre ou te le remplacer. Hein? Et c'est pour ça que yani, même les Arabes, dans leur poésie, ils mentionnaient cette chose-là. Ils disaient comme en voulant dire que si je perds mon argent, ou si on me vole mon argent, yani, je peux le retrouver, ça peut être remplacé. Tandis que si je perds mon honneur, hein, il n'y a pas de remplacement pour ça. Et des choses dans ce sens-là. Et donc, il dit ensuite, فَعِرْضُ الْمُسْلِمْ حَرَامُ كَحِرْمَةِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَالْقَذْفُ بِالْفَاحِشَةِ سَوَاءٌ بِالزِّنَا أَوْ اللِّوَاطِ اِعْتِدَاءٌ عَلَى الْأَعْرَادِ وَهُوَ كَسَائِرِ الذُّنُوبِ حَيْثُ رَتَّبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى قَذْفِ الْمُسْلِمِ الْحَدِّ وَهُوَ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا وهو عقوبة مقدرة شرعا قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Donc le cheikh explique que l'honneur du musulman c'est sacré, de même que comme ses biens, comme son sang. Et d'insulter ou d'accuser quelqu'un de turpitude ou de péché comme le zina ou de l'accuser de sodomie ou des choses de ce genre, ça c'est une attaque contre l'honneur de quelqu'un et contre sa dignité, et ça fait partie donc des grands péchés comme les autres péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a même établi comme conséquence pour ce péché là une peine sévère dans la charia, hein. Et c'est mentionné dans le verset 4 dans Surat An-Nur. Dans le verset de Surat An-Nur, verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes, hein, et c'est pas spécifique à la femme, même si dans le verset on mentionne Al-Muhsanat au féminin, mais c'est pas seulement spécifique aux femmes, même un homme, s'il est chaste et qu'on lance contre lui des accusations, hein, contre son honneur, ça rentre également là-dedans. Donc celui qui lance des fausses accusations contre la chasteté, contre l'honneur de quelqu'un, et qui n'amène pas 4 témoins pour supporter ce qu'il prétend, et bien dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, alors donnez-leur 80 coups de fouet, et n'acceptez d'eux aucun témoignage par la suite. Hein? N'acceptez plus jamais aucun témoignage de leur part par la suite, et ceux-là sont les pervers, sont les pécheurs. Donc, c'est pour dire que l'honneur du musulman, elle a un prix très cher. Et que si quelqu'un porte atteinte à cet honneur, eh bien, la personne qui le fait et qui n'a pas de preuves, hein, eh bien, elle sera punie. Et la peine pour ça, dans la charia de l'islam, dans un pays musulman, lorsque la personne est amenée devant un juge dans le tribunal, et qu'on lui demande d'amener ses preuves pour supporter ses accusations, puis que la personne en question n'a pas de témoins, n'a pas 4 témoins, eh bien c'est elle qui va être punie. Et elle va être punie, et la peine ce sera qu'elle devra recevoir 80 coups de fouet. Hein? Donc c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est quelque chose qui est grave. Et le cheikh dit, فَالْقَاذِفُ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ 3 عُقُوبَاتٍ أَوَّلُهَا الْجَلْدِ حَيْثُ يُضْرَبْ ظَهْرُهُ وَجِلْدُهُ بِالصِّيَاطِ الثَّانِي أَنَّهُ لَا تُقْبَلْ لَهُ شَهَدَةً أَبَدًا وَالثَّالِثَ أَنَّهُ يُوصَفُ بِالْفِسْقِ أي بالخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد توعدهم الله بقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ. Donc ici le cheikh il explique, parce que c'est pour dire que ces questions-là, ces choses-là, c'est pas pour être basées sur des rumeurs, hein, dans le sens que les gens, c'est ça ce qu'ils font. Le danger dans l'accusation qui est lancée sans preuve et sans témoin, c'est que ça devient par la suite des rumeurs. Puis ces rumeurs-là, elles circulent. Et les rumeurs, ça fait beaucoup de tort à quelqu'un, hein. Et ça, c'est haram de faire circuler ce genre de rumeurs. Mais une fois que les rumeurs sont lancées, c'est dur de les faire cesser par la suite, hein. Et ça, c'est souvent l'attitude des hypocrites, qu'ils utilisent cette méthode pour salir l'honneur des gens. Ils font circuler des rumeurs. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi à ce sujet-là des peines et des punitions pour éviter que le musulman soit justement sali dans sa réputation et dans son honneur. Et donc, il dit que pour la personne qui lance des accusations de ce genre, il y a donc dans le verset 3 punitions qui sont mentionnées. C'est pas seulement les 80 coups de fouet. Le cheikh, il dit la première, c'est les 80 coups de fouet. La personne sera frappée, son dos va être fouetté. La deuxième peine, c'est quoi? On n'acceptera plus jamais de lui un témoignage en cours. C'est-à-dire, il pourra pas être un témoin au tribunal. Dans une plainte ou dans quelque chose quelconque, lorsqu'on voudrait par exemple un témoin, lui ne peut pas se présenter comme témoin, son témoignage ne sera pas accepté. Et troisièmement, on va le décrire comme une personne qui est perverse, c'est une personne qui fait le péché, qui est dans le péché. Et il explique et il dit, c'est-à-dire que le fisc en arabe, c'est que ça veut dire de sortir de l'obéissance d'Allah. Donc c'est quelqu'un qui est sorti de l'obéissance d'Allah, et ça c'est la punition dans la dunya, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas. Mais dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala l'a également menacé d'un autre châtiment également, hein? Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa la adabul akhirati akbar, le châtiment de l'au-delà, il est plus grave encore, plus dur. Et il dit dans le verset 23 à 25 dans sourate An-Nur, ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes et innocentes et insouciantes et croyantes, ils seront maudits dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc ils vont avoir sur eux la malédiction d'Allah. Et les ulama ont expliqué que Al-La'na, ça signifie qu'ils seront éloignés de sa miséricorde, hein. Donc ils seront éloignés de la miséricorde d'Allah dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et ils auront un châtiment énorme. Et le jour où leur langue, leurs mains ainsi que leurs jambes vont témoigner contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc même les membres de leur corps vont témoigner contre eux et vont parler ce jour-là. Et donc ce jour-là, on va les rétribuer et on va leur remettre ce qu'ils ont mérité. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les juger selon ce qu'ils méritent et selon ce qu'ils ont fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ils sauront ce jour-là que c'est lui la vérité claire. فَاحْتِرَامُ أَعْرَادِ الْمُسْلِمِينَ وَالسِّتْرُ عَلَيْهِمْ وَدَعْوَتُهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْإِصْلَاحِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي رَغَبَ فِيهَا الْإِسْلَامُ وَدَعَتِ الشَّرِيعَةُ إلى الالتزام بها والتشديد على مراعاتها، فلا يجوز أن يرمى المسلم بفاحشة حتى وإن وقعت منه، إذ الأصل في ذلك أن يستر عليه ويدعى إلى التوبة، ولا لا أن يكشف أمره. Donc le cheikh il dit que le respect de l'honneur du musulman, c'est le fait de couvrir un musulman lorsqu'il a commis une faute ou un péché, c'est yani, de l'appeler à se repentir et de l'appeler à se réformer, à se corriger. Et ça, ça fait partie des choses que l'islam a incité à faire. Donc quand tu vois ton frère musulman qui fait un péché, hein, Tu dois respecter son honneur et le couvrir et l'appeler à la repentance et à la réforme et à se corriger. Et la charia a également appelé les gens à yani, appliquer cela et à yani, disons, s'accrocher fermement à ce principe-là. Et la charia a insisté là-dessus et a pris soin de cet aspect-là dans la religion. Donc il n'est pas permis d'accuser un musulman d'une turpitude, même s'il a réellement fait cette turpitude, ou même si elle a réellement fait ce péché-là. Hein? C'est-à-dire que, supposons que la personne en question, elle a commis le péché et tu l'as vu faire le péché. Et dans le verset en question, par exemple, ça dit ramener quatre témoins. Supposons que tu n'avais pas quatre témoins, tu l'as vu et tu étais tout seul. Hein? Même si tu l'as vu et tu étais tout seul, c'est pas suffisant. Tu dois avoir quatre témoins. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu lui donnes la nasiha, hein, et tu, yani, le couvres. Tu le couvres et tu l'incites à craindre Allah et à se repentir et à se réformer. D'accord? Parce que si tu vas le dénoncer, c'est toi qui vas être puni. Hein? Donc, tu ne dois pas diffuser cette information-là ou cette chose-là. لأنه لا بد له في هذه الحالة من أن يأتي بالشهود دليلا على صحة كلامه. Parce que dans cette situation-là, il doit ramener les témoins, les quatre témoins, comme preuve de la véracité de sa parole. وإلا فيجلد 80 جلدة. Sinon, il sera fouetté de 80 coups de fouet. Hein? Et le but de ça, c'est pourquoi? C'est pour préserver l'honneur des musulmans. Hein? Que même si la personne est coupable d'une turpitude ou d'un péché, c'est pas quelque chose qui doit être divulgué ou propagé dans la société. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe souvent? Depuis qu'un péché, quelqu'un a été pris en flagrant délit dans un péché ou des choses de ce genre, Les journalistes ou les médias, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ça, ils mettent ça dans le journal. Ou bien ils mettent ça dans des articles, ils font un article, ils mettent ça dans, à la télé ou bien sur Internet. Et ils accusent, hein, les gens d'avoir commis ces péchés-là. Pourtant, ils n'ont pas ramené de témoins. Ils n'ont pas ramené quatre témoins. Et ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Par la suite, les gens, ils voient ça. Les gens dans la société, ils voient ça. Puis ils disent, ah regardez, les gens font ça, les gens ils font des turpitudes. Hein? Donc ça se propage dans la société, après les gens commencent à trouver ça normal. Et vous voyez que souvent les péchés dans la société, c'est comme un genre d'escalade. Hein? C'est comme si on dirait que quelqu'un fait quelque chose de grave, ils le mettent dans les médias, après les gens disent, oh regarde, la personne, quelqu'un a fait ça, subhanallah. Ils ne vont pas être étonnés par la suite de l'entendre, sauf si c'est quelque chose de plus grave qui se produit. Là, quelque chose de plus grave va se produire, là ils vont être étonnés encore. Mais là, ça fait monter encore la barre, encore un peu plus haut. C'est-à-dire, la prochaine nouvelle, il faut qu'elle soit encore plus grave que celle-là pour pouvoir les étonner. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte, jusqu'à ce que à la fin, là, y a les gens, ils sont plus étonnés par rien du tout, et puis ils trouvent tout comme étant normal. Et parfois, des péchés qui étaient cachés ou que personne connaissait dans la société, des gens innocents, ils connaissent pas ça, ils connaissent pas le mal, et là, ils entendent parler de ça, et là, ils réalisent que ces choses-là se produisent. Et des fois, l'affaire, elle est agrandie ou elle est, ils vont penser que c'est propagé, alors que peut-être c'était une chose qui était limité à quelques personnes seulement. Mais eux, ils vont par la suite penser que c'est quelque chose qui est répandu et qui en a beaucoup comme ça dans la société. Donc, ça fait que la turpitude se propage et il y a un chapitre qui va suivre plus loin dans le livre qui, justement, parle de ce sujet-là, le fait de propager la turpitude dans la société, que ça aussi, ça fait partie des kaba'ir. C'est pas obligé, même s'ils sont quatre qui ont vu, c'est pas obligé qu'il le dénonce. Qu'est-ce qui est obligé pour eux? C'est de lui donner la nasiha. De lui donner la nasiha. Et de l'appeler à se repentir. Mais en général, la charia, la raison pour laquelle elle a établi cette règle de quatre témoins, c'est parce que quand ça arrive à quatre témoins, ça veut dire que la personne, elle a fait ça en public. Hein? Elle a fait ça aux yeux des gens. Et ça, ça veut dire que c'est devenu maintenant quelque chose qui est banal, quelque chose qu'ils prennent ça à la légère, ça veut dire. Hein? Ils se sont pas cachés pour faire le péché. Alors en général, quand ça arrive à quatre, c'est rare que, disons que ça va rester là. Habituellement, ça veut dire que c'est devenu grave. Tu vois? Et en général, c'est sûr qu'il y aura des représailles contre la personne qui a fait ça. Après, le cheikh, il dit, وكل ذلك حماية لأعراض المسلمين. Le but de ça, c'est dans le but de préserver l'honneur du musulman. Il dit لأن في ذلك إشاعة للفاحشة. Parce qu'il y a dans le fait de propager ces informations-là ou de faire savoir ça, une propagation et une diffusion de la turpitude et des grands péchés dans la société. Comme j'ai mentionné comme des exemples de ça dans qu'est-ce qui se passe parfois dans les médias. L'autre jour, il y a un frère, il m'envoie une nouvelle, il me dit, il y a, dans tel pays, ils ont attrapé telle personne en train de faire un péché, comme ça. Puis c'est quelqu'un qui, dans cette ville ou dans cet endroit, il a un certain statut, tu vois. Donc, surtout, c'est comme quelqu'un qui a un statut comme religieux, donc. Les médias ont pris l'affaire, ils l'ont mis dans l'internet, ils l'ont diffusé, et ils ont filmé la personne personne accusée. Les personnes accusées, ils les ont filmées puis ils ont montré leur image. Donc c'est pour dire que est-ce qu'ils ont produit quatre témoins? Non, ils n'ont pas produit quatre témoins qui les ont vus faire le péché en soi. Peut-être qu'ils sont rentrés dans une pièce et ils les ont vus ensemble et ils ont dit ils étaient en train de faire la turpitude, mais ils les ont pas vus faire la turpitude elle-même. Et ils ont déduit qu'ils l'avaient fait. Et donc ils ont posé des accusations et des choses de ce genre. C'est des choses comme ça qui fait que les rumeurs se propagent et l'honneur est atteint. Peut-être que rien s'était passé. Hein? Peut-être que rien ne s'était passé. Et on a expliqué cette chose-là. Les ulama, ils ont dit, c'est pas juste que tu vois un homme et une femme ensemble dans une pièce. Tu les surprends. Par exemple, dévêtus dans une pièce isolée. Ça, c'est pas suffisant comme preuve pour dire qu'ils ont fait la turpitude elle-même. C'est sûr que ce qu'ils ont fait, c'est pas permis. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de punition du tout pour ce péché-là. Il y aura. Le juge va décider quelle peine ils vont avoir, mais ce sera pas la peine de la lapidation ou de la fornication. Ce sera pas une peine qui est équivalente à ça. Ou bien, le juge va décider. Mais c'est pour dire que le fait qu'ils soient attrapés dans cet endroit-là, c'est sûr qu'il y aura une punition quelconque. Parce que c'est quelque chose de grave, qu'est-ce qu'ils font? De se réunir, d'être ensemble comme ça. Hein? Dans cet endroit-là, alors qu'ils ne sont pas mariés, hein? Puis on les attrape isolés comme ça dans une pièce. Ça, c'est al-khalwa. Hein? Et c'est interdit. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas la peine pour l'adultère ou la fornication, mais il y aura quand même une punition quelconque. Hein? Je me rappelle même en Arabie Saoudite, par exemple, des fois, Al-Hay'a, c'est la police religieuse, quand ils attrapaient un homme avec une femme, que cet homme-là n'est pas marié avec cette femme et qu'ils étaient isolés ensemble, ils les attrapaient, ils les amenaient au poste et il y avait des répercussions. Hein? Il y avait quand même des répercussions, il y a des conséquences à ça. Mais c'est sûr que ce ne sera pas la peine pour, comme si d'avoir commis l'adultère ou la fornication, mais c'est quand même un péché. Et donc il faut qu'il y ait une punition quelconque. Mais c'est pour dire que pour qu'il y ait la peine de l'adultère, accusation d'adultère ou de fornication, il faut qu'il y ait des témoins, quatre témoins qui ont vu l'acte. Sinon, tu ne peux pas dire ça. C'est ça l'affaire. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire que tu n'as pas vu l'acte de l'adultère, tu n'avais pas quatre témoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences du tout si jamais ça se produit. Hein ? Mais ça veut dire quand même que ce ne sera pas le même degré de punition. Et il mentionne justement le verset dont j'ai mentionné par rapport à la diffusion de la turpitude dans la société. C'est le verset 19 dans Sourate An-Nour, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum 'adhabun alimun fi ad-dunya wal-akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ceux qui aiment que la turpitude soit diffusée parmi les croyants, ils auront un châtiment douloureux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et Allah sait et vous ne savez pas. Donc le cheikh il dit ensuite: innama yushi'u al-fahisha yani fil muslimin ahlu an-nifaq. Ceux qui diffusent la turpitude parmi les musulmans, ce sont les gens de l'hypocrisie, les gens du nifaq. Et ça c'est quelque chose qu'on voit à notre époque, en particulier dans certains pays musulmans. S'il y a des musulmans qui commettent des péchés, ils en parlent dans les médias, ils diffusent ça, hein, ou bien ils propagent ça sur les réseaux sociaux ou des choses de ce genre. Et pourquoi? Pour souvent, si yani c'est dans des sociétés conservatrices musulmanes qui s'attachent à l'islam, ils font exprès pour diffuser ça, pour essayer de salir l'image de ce pays ou salir l'image de cette société ou salir l'image des gens religieux. Hein, pour dire, oh regardez ces gens-là, c'est des gens religieux, regardez ce qu'ils font. Ou regardez ce pays-là, c'est un pays qui prétend ou qui dit faire telle chose et finalement il y a des péchés. Hein, comme si pour essayer de se moquer des croyants, pour se moquer des gens qui sont religieux et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant dire que mais ils sont pas finalement meilleurs que les autres, hein, ou des choses de ce genre. Alors que en réalité, le fait d'être un croyant ou le fait d'être un serviteur d'Allah, hein, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas tomber dans le péché. Donc pourquoi tu veux agir de cette manière, que tu vois les musulmans ou un musulman qui commet un péché, donc tu veux le diffuser pour salir l'image des croyants et dénigrer les croyants et les accuser d'hypocrisie? Le fait de diffuser ces informations-là, ça c'est de l'hypocrisie. Ça fait partie des actes et des comportements des gens de l'hypocrisie. Parce que après, c'est les koufars qui reprennent ces informations-là, puis qui les diffusent à leur tour dans leurs médias pour dire aux autres koufars, regardez ce que font des musulmans dans tel pays. Hein? Donc c'est qui est-ce qui aide ces koufars à faire ça? C'est des gens, des musulmans, des gens qui se disent musulmans, dans les pays musulmans, qui sont justement des munafiqins, hein, et qui diffusent ces informations pour les relayer aux médias koufars, pour que les koufars, eux, l'utilisent aussi pour salir l'islam et les musulmans par la suite. Allah al-musta'an. Donc, le cheikh dit, « Wa amma al-mu'min, fa'innahu yakrahu dhalika li nafsihi wa li akhihi wa li mujtama'ihi. » فالأصل أن تخفى الجريمة ولا يعلن عنها إلا في حدود ضيقة. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne donc le croyant, il déteste cela, c'est-à-dire il déteste que la turpitude soit diffusée. Il le déteste pour lui-même, il le déteste pour son frère, il le déteste pour sa société aussi. À la base, le musulman il cherche à cacher ce genre de crime, ce genre de péché-là, et il ne le divulgue pas, excepté dans des limites très serrées, hein, très étroites. Il essaie de restreindre cette information-là pour qu'elle ne touche pas, pour qu'elle touche le moins de monde possible, pour que le moins de monde possible soit au courant. Tandis que les koufars, c'est le contraire. Eux, ils disent non, il faut que le plus de monde possible soit au courant. Donc c'est grave, franchement, hein? Et surtout ça, c'est, vous voyez, dans les journaux qui sont un peu des journaux qui diffusent n'importe quelle information futile, hein? Il y a cette catégorie de médias là qui sont vraiment de basse qualité, de basse qualité d'information. Eux, ils font juste ça pour justement attirer des ventes, pour diffuser ce genre d'informations là pour salir les gens. Puis c'est ça leur spécialité, Allah musta'an. Donc le cheikh, il dit: وقد دل الحديث على أن القذف من كبائر الذنوب لما ترتب عليه من الحد، ودل على أن السيد إذا قذف عبده لم يجب عليه الحد، وإنما عليه الوعيد الشديد الذي ورد في الحديث في الآخرة. Donc le cheikh, il dit que le hadith prouve que de lancer des accusations de zina, ça fait partie des grands péchés, à cause de ce qu'il y a comme menace de conséquences de peine et de punition pour cette accusation là et c'est la preuve que le maître de l'esclave, par exemple, le maître qui a accusé son esclave d'avoir commis l'adultère ou la fornication, il ne sera pas puni pour ça. C'est-à-dire que, parce que c'est son esclave, il va pas recevoir la peine que quelqu'un recevrait s'il accusait une personne libre. Hein? C'est comme, par exemple, même dans la charia de l'islam, l'esclave qui commet l'adultère ou qui fait la fornication, il a la moitié du châtiment de la personne libre. Donc, il n'aura pas le même degré de punition que la punition d'une personne libre. Donc, les règles qui s'appliquent entre le maître et son esclave, c'est pas les mêmes que entre deux personnes qui sont libres dans l'islam. Il y a des distinctions, il y a des différences entre les deux. Et en général, l'esclave, il est moins puni que la personne libre. Hein? Ça, c'est les principes dans l'islam. Wa innama alayhi al-wa'id. Mais par contre, il y a la menace d'un châtiment sévère contre lui dans l'au-delà, dans ce hadith-là. C'est-à-dire que Allah, il va lui juger et il va lui établir une peine, c'est-à-dire à ce maître vis-à-vis de qui a accusé son esclave, injustement, il va recevoir une peine, mais dans l'au-delà, pas dans cette vie. Naam. On passe maintenant au prochain chapitre, l'autre chapitre. Et le chapitre suivant, c'est Babun an-nahyu an tasmiyati al-fasiqi sayyidan. L'interdiction d'appeler un pervers maître, de l'appeler maître ou d'utiliser pour le désigner un terme respectueux ou un terme yani pour qu'il l'élève. On n'a pas le droit d'utiliser un terme qui élève le pervers ou le pécheur. Il dit: wa an Burayda marfu'an qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la taqulu lil munafiqi sayyid fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Donc c'est rapporté par Abu Daoud et également par l'imam Ahmad l'a rapporté ce hadith. C'est selon Burayda radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne dites pas à l'hypocrite Sayyid, maître, parce que s'il est réellement un maître ou un chef ou quelqu'un qui a une position d'importance, ça veut dire que vous avez mis votre Seigneur en colère. Ça veut dire que vous avez mis votre Seigneur en colère. Ça, c'est rapporté, comme on l'a dit, par Abu Daoud et également par l'imam Ahmad avec une chaîne authentique. Il dit: Al-fasiq huwa al-kharij an ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala qismayn. Al-awwal an yakuna min al-mu'minin, walakinahu irtakaba kabiratan duna al-shirk. فإنه يحكم عليه بالفسق والثاني أن لا يكون مؤمنا بل يدعي الإيمان ويظهره وهو في الباطن مخادع وهذا هو المنافق والمنافق يسمى فاسقا يعني خارجا عن طاعة الله وخارجا من الإسلام والفاسق لا يجوز أن يمدح ولا يعظم بل ينزل منزلته اللائقة به اللائقة به فلا يقال له سيد وهو منافق أو فاسق من المؤمنين. Le cheikh il explique que le pervers c'est celui qui ou le fasiq en arabe c'est celui qui est sorti comme on l'a dit tout à l'heure de l'obéissance d'Allah. Et le fasiq il est de deux catégories. La première catégorie c'est soit que c'est un croyant mais qui a fait des péchés qui sont moindres que le shirk. Alors on va dire de lui que c'est un fasiq. On va juger qu'il a du fisq. Tandis que la deuxième catégorie, c'est celui qui n'est pas croyant. Hein? Il prétend la foi et il montre qu'il est croyant, mais il cache à l'intérieur de lui la mécréance pour tromper les croyants. Ça, c'est celui qu'on appelle le munafiq, c'est-à-dire l'hypocrite. Et on l'appelle également le fasiq. On peut l'appeler fasiq. Donc, le terme fasiq, ça désigne deux types de personnes. Soit celui qui est croyant mais qui fait des péchés, ou celui qui n'est pas croyant mais qui cache sa mécréance et qui est hypocrite en réalité. Et donc, dans le cas de celui qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui est sorti de l'obéissance d'Allah et qui est sorti de l'islam au complet. Donc, il dit, il n'est pas permis de glorifier ou de montrer un respect à celui-là, à ce pervers. Mais il faut plutôt le mettre à son niveau. Là où il faut le laisser à son niveau qu'il mérite. Et on ne doit pas l'appeler par un titre respectueux ou honorifique. Hein? Alors qu'il est hypocrite ou qu'il est pervers parmi les croyants. Et le cheikh il dit « والحديث جاء في سياق ذكر المنافق ويدخل فيه الفاسق من المؤمنين ولهذا ترجم الشيخ للباب بقوله باب النهي عن تسمية الفاسق سيدا فلا يسود المنافق والسيد هو المعظم والرئيس. » Donc le cheikh il dit dans le hadith il mentionne l'hypocrite et on peut faire rentrer dans ça celui, parce que dans le hadith on mentionne le terme munafiq, c'est-à-dire l'hypocrite, mais on peut également inclure là-dedans le pécheur parmi les croyants. Et le pécheur, c'est pas juste quelqu'un qui a commis un péché, mais c'est celui qui fait un péché et qui le montre ouvertement, qui pêche ouvertement sans gêne. C'est lui qui est un fasiq. Et yani, le cheikh il explique que donc ça parle du munafiq dans le hadith, mais on peut inclure également celui qui est pervers parmi les musulmans, parmi les croyants. Et le cheikh il dit c'est pour ça qu'il a utilisé comme titre pour ce chapitre le chapitre de l'interdiction d'appeler le fasiq sayyid. Et donc il dit on n'a pas le droit de prendre un hypocrite et de lui donner un titre respectueux ou honorifique ou de lui donner une position d'autorité ou de respect. Donc le Sayyid en arabe, Sayyid, celui qui est respecté, celui qui est un chef ou un chef ou quelqu'un qui est président ou chef ou maître ou quelqu'un qui est haut placé. En principe, on ne doit pas choisir ou donner à quelqu'un ce titre-là ou cette position-là sur les musulmans. Et il dit fal aslu an la yuwalla fil wadha'if wal manasib allati taj'aluhu sayyidan. Donc la base, c'est qu'il ne doit pas être donné ou être offert les emplois ou les postes ou les statues qui vont faire de lui un chef ou un maître. لأن الله يغضب إذا رفع هذا الفاسق أو المنافق فوق المنزلة التي يستحقها. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il se fâche lorsque ce pervers ou cet hypocrite est élevé à un degré au-dessus du degré qu'il mérite. لأن في ذلك تشجيعا لهم على هذه الجريمة أي جريمة الفسق والنفاق. Parce que en les élevant et en les mettant dans cette position-là, il y a comme un genre d'encouragement à faire ce crime et cette perversité-là et cette hypocrisie-là. Donc c'est comme si on les encourageait dans ça. Donc il dit فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَكَّنُوا مِنَ التَّوَلِّي عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ وَالْعَقِيدَةِ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَنْشُرُونَ الشَّرَّ بَيْنَ النَّاسِ ولأن فيه تغاضيا عن جرمهم وعن فسقهم وهذا يضر بالدين فلا يجوز مدحهم ولا يجوز أن يولوا المناصب التي لها شأن في المسلمين. Donc le cheikh il dit qu'il n'est pas permis de donner la possibilité à ces gens-là d'avoir une autorité sur les gens de la foi et sur les gens de la croyance. Parce qu'ils vont propager parmi les gens du mal. Et il y a une certaine incitation dans ce cas-là à les inciter à faire cette perversité, ce crime et cette turpitude. Et ça, ça fait du tort à la religion. Donc ils ne doivent pas être glorifiés. Et il n'est pas permis pour eux ou pour nous de les mettre dans ces statuts ou dans ces positions-là qui ont une importance chez les musulmans. Et ça, bien entendu, il ne faut pas confondre qu'est-ce qu'on est en train de dire ici avec le fait que, par exemple, le fait qu'un dirigeant, par exemple, qui est au pouvoir, qu'il fait des péchés, donc de dire « Ah, ça c'est... » dans ce cas-là, ça veut dire qu'il ne faut pas le laisser au pouvoir. On sait que la position d'Ahlus Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là, elle est claire. C'est qu'on n'a pas le droit de se révolter contre un dirigeant pour des péchés qu'il fait ou de l'enlever du pouvoir. Ça, c'est contraire à la position d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais on parle ici d'une situation dans laquelle les croyants ont la possibilité de mettre quelqu'un dans un poste ou dans une situation d'autorité, dans un emploi, dans un travail, dans une compagnie, dans un poste quelconque. Si on a la possibilité de choisir entre quelqu'un de pieux puis quelqu'un de pervers, on doit choisir quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est bien. Mais si par exemple, dans une situation où le dirigeant il est un pécheur, dans ce cas-là, il faut être patient et suivre les principes que les ulama nous ont clarifiés au sujet de ça, c'est-à-dire de faire des doigts pour lui, pour qu'Allah le réforme, et d'essayer d'être patient et de lui obéir dans le bien. De lui obéir dans le bien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné plusieurs hadiths à ce sujet-là. Et on en a parlé, puis on va en parler parce qu'il y a un chapitre il y a une partie du livre dans Kitab al-Kaba'ir qui parle que des questions qui ont rapport avec le dirigeant et comment on doit agir envers lui. Il y a un chapitre, par exemple, ici, Bab Ta'at al-Umara, le chapitre sur l'obéissance des dirigeants. Et ça, c'est dans un des chapitres qui sont, les chapitres qui sont à venir. Ok, donc ça fait partie des sujets dont on va parler. Il y a aussi Bab al-Khuruj anil Jama'a, le chapitre du fait de sortir de la Jama'a. Ça, c'est des sujets qui s'en viennent. Voilà. Donc ça, c'est des sujets que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mis dans son livre Al-Kaba'ir pour clarifier justement ces aspects de la religion, parce que ça a un rapport important avec la méthodologie et la façon dont le musulman doit agir et comment il doit respecter les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il termine ce chapitre en disant wa qawluhu la taqulu lil munafiqi sayyid لأن ذلك يجعله جريئاً على الفسق والجريمة فإذا فعلتم هذا سودتموه فقد أغضبتم ربكم. Il dit, ne dites pas à l'hypocrite, chef ou yani, un poste, un titre honorifique ou de respect, parce que cela va le rendre encore plus effronté dans son, dans sa perversité et dans son crime. Et donc, si vous agissez ainsi, et si vous lui donnez ce statut de respect, eh bien, vous avez attirer la colère de votre Seigneur en agissant ainsi. D'accord? Donc ça, c'est pour faire comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas correct. On va s'arrêter pour ce livre ici, à ce chapitre. On va s'arrêter là. Puis, on va continuer la semaine prochaine. En attendant, on va faire l'autre dars à propos de Al-Amru Biluzum Al-Jama'a, qui est notre deuxième dars aujourd'hui.